Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Et bonne nouvelle, ça y est, les lectures érotiques de Charlie sont enfin de retour et pour de vrai cette fois-ci. J'ai été absente, j'ai été peu présente en fait. En gros, les 10 derniers mois, j'étais en apprentissage pâtisserie. C'est terminé, je me replonge avec joie et délectation dans la littérature érotique et surtout, je vous en fais profiter et je vous fais découvrir mes lectures. Alors, pour réattaquer une nouvelle, on va dire que c'est une nouvelle saison, allons-y, des lectures érotiques de Charlie, le podcast consacré à la littérature érotique, ne l'oubliez pas. J'ai décidé de vous faire découvrir le roman, des extraits du roman de Clarissa Rivière qui s'appelle « Le village des soumises » et qui est paru aux éditions Tabou dans la collection « Les jardins de Priap ». Le village des soumises, c'est un roman érotique qui tourne autour du BDSM, vous l'aurez compris. Le pitch, c'est très simple. Il y a un village de vacances qui s'est créé, le village des soumises, et où, en fait, pour les femmes seules, c'est gratuit, toutes les femmes sont soumises, et les hommes sont là pour profiter des soumises. À travers ce roman, on explore un petit peu différentes facettes du BDSM. Et Clarissa Rivière, c'est un roman assez choral, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnages. Il n'y a pas un personnage principal, il y en a plusieurs. Bon, on suit quand même un peu plus le parcours de Chloé, mais bon, il y en a plusieurs. Et du coup, ça permet d'avoir différents portraits de dominants, de soumises, de gens curieux qui viennent un peu s'intéresser. Et puis un petit switch dans le roman, mais je ne vous en dis pas plus. Allez, on plonge dans l'ambiance là, tout de suite, maintenant. J'ai décidé de vous lire un chapitre qui s'appelle « Coup de foudre ». C'est le moment où Chloé va rencontrer Paul. Chloé, c'est une jeune femme qui a des velléités de soumission. Elle vient de se séparer de son mec parce que quand elle lui a dit qu'elle aimerait bien se faire un peu mettre des fessées et fouetter, le mec s'est dit « Non, mais t'es une grande malade » et il l'a larguée comme une merde. Et du coup, sa copine Marion lui a dit « Allez, arrête de déprimer chérie, je t'embarque avec moi, il y a un village vacances un peu spécial, c'est le village des soumises. Au moins, tu vas explorer tes envies de soumission. Et puis moi, bah, en fait, j'adore, j'ai déjà fait, je te l'ai pas dit, mais l'an dernier, j'y étais, j'ai kiffé. Donc, on y retourne. En plus, comme on est des meufs seules, c'est gratos, on va vraiment s'amuser. » Et Paul, eh bien, Paul, vous allez voir, c'est la première fois qu'on le voit, donc vous allez le découvrir pendant cet extrait que je vous lis. Voici donc un extrait du Village des Soumises de Clarissa Rivière. C'est parti. Paul s'est lassé. Dominer ne le fait plus fantasmer, ne lui procure plus autant de plaisir qu'avant. Il s'y consacrait corps et âme pourtant, dès qu'il en avait le loisir. Initier des soumises débutantes, les dresser, organiser des séances pour des myriades de jeunes femmes se jetant dans ses bras avec entrain. Mais l'excitation des débuts, l'exaltation de la découverte, la satisfaction de soumettre et contraindre se sont émoussées au fil du temps. Il s'en désole et continue malgré tout, multipliant les expériences, cherchant à retrouver le charme des premières séances il y a plus de 10 ans déjà. Il doit se rendre à l'évidence. Le cœur n'y est plus. On dirait que ces soumises se ressemblent toutes, glapissantes, outrageusement maquillées, refaites de partout, percées, tatouées à outrance. Elles n'ont plus rien de frais et de naturel. Il se sent vieux et décalé face à cette nouvelle génération rebelle. Elles sont aussi blasées que lui, s'enfoncent toujours plus loin, tâchant d'éprouver enfin quelque chose dans l'avilissement le plus extrême. Elles ont perdu toute spontanéité et se montrent surtout intéressées par leur image et leur corps au lieu d'assouvir les fantasmes de leur maître. Et puis, le milieu SM s'est démocratisé. Il attire désormais quantité de ménagères en mal de sensation et d'innombrables jeunes bimbos qui s'ennuient fermes dans la vie et sont prêtes à tout pour un peu de distraction. Pris dans un engrenage infernal, Paul fouette à tour de bras, flagelle par habitude, pénètre des sexes anonymes comme un robot et sodomise à la chaîne, éprouvant une brève extase dans l'orgasme, souvent gâchée par les cris discordants des filles et leurs protestations géniardes. Elles ne comprennent rien à leur statut de soumise. Elles n'ont aucun goût pour la soumission en réalité et veulent n'en faire qu'à leur tête. Elles viennent vers lui car le BDSM est à la mode, pour se rendre intéressante, faire comme dans les livres. Lui ne compte pas. Il n'est pas vénéré, craint et à peine obéi. il les renvoie dès qu'il a joui, écœuré d'elle et de lui-même. Et pourtant, pris dans les filets d'une étrange malédiction, il recommence sans fin, encore et encore, lors de soirées plus décevantes les unes que les autres. Est-ce lui qui est devenu has-been, d'un autre temps, avec sa vision dépassée du sadomasochisme? Il n'a pas su s'adapter ou ne s'est pas reconnu dans les nouveaux codes. Mais peut-être n'est-il pas dans les bons cercles. Il ne rencontre plus personne partageant sa philosophie, un BDSM raffiné et cérébral. Il manque de temps et de motivation pour nouer de nouveaux contacts. Paul s'est programmé 2 semaines de vacances au village des Soumises pour boire cette coupe jusqu'à la lie. Il pourra enfin tourner la page et tordre le cou à ses démons une bonne fois pour toutes, avant de passer à autre chose. Son séjour pourrait aussi lui offrir de bonnes surprises, qui sait. Sans se l'avouer clairement, il espère rencontrer des soumises qui lui conviennent mieux, en quête d'émotion et d'esthétique. Il n'ose y croire, et a revêtu sans enthousiasme son costume de maître. Un pantalon sombre et une chemise blanche, les tenues fétiches, c'est pas son truc. Il a renoncé à la veste et à la cravate, ce sont les vacances. Depuis son arrivée, il s'est jeté dans la mêlée avec l'énergie du désespoir. Son sexe, fidèle à lui-même, ne le trahit pas. Constamment dressé, dur, il honore quantité de femmes sans visage et déverse des litres de sperme dans leurs orifices toujours disponibles et offerts. Enfin, façon de parler, il n'est pas du genre à faire l'impasse sur le préservatif. Le plaisir physique est bien au rendez-vous, mais dénué d'émotions, sans joie. La déprime couve, à peine contenue par ses éclairs de plaisir. Il redoute les discussions avec d'autres maîtres, aguerris et impitoyables, et toujours dans la course. Paul doit feindre un intérêt qu'il n'éprouve plus pour leurs histoires. Il les fuit dès que la politesse le lui permet. Le bal vénitien constitue le clou du séjour. Paul s'est joint à la fête machinalement, suivant le troupeau des vacanciers vers ce passage obligé. Il sature déjà après quelques jours, même si son sexe répond toujours présent, ignorant ses états d'âme. Le staff a déployé les grands moyens côté décoration, on s'y croirait. Paul reprend espoir. On n'est plus au village des Soumises, mais dans un bal masqué d'antan. Peut-être que cette soirée répondra à ses aspirations. Il voudrait... Il ne sait pas trop, plus de beauté, de sensualité. Mais une fois passé le bref émerveillement lié aux lumières et aux costumes, cette soirée se révèle finalement comme les autres. À peine quelques valses et révérences vite expédiées, et tous se jettent à corps perdu dans de folles étreintes, à croire que la fin du monde est imminente. Paul s'efforce de jouer le jeu. Il laisse une jolie comtesse déboutonner sa longue veste brodée, tandis qu'une duchesse s'agenouille et entreprend de baisser sa culotte de soie. Il aurait préféré prendre son temps, garder l'initiative, choisir avec soin sa proie du soir, la subjuguer de son regard. Mais elle ne lui laisse pas la moindre chance. Ses filles se sont précipitées sur lui, avides de son corps, de sa queue, de vraies tigresses assoiffées de sexe. Il s'abandonne à leurs griffes, les désirant malgré lui. Leurs ongles peints éraflent la peau fine de sa verge, leurs mains l'empoignent rudement. Elle se dresse néanmoins, excitée en dépit de tout. Le voilà soumis à leurs appétits, il n'a pas son mot à dire, condamné à endurer leurs caresses en espérant jouir d'elle à son tour. Un comble pour un maître. Il leur a bien montré son fouet pourtant. Paul choisit de ne plus penser. Il écarte la jeune femme qui le suce voracement et la retourne. Il la maintient prisonnière entre ses jambes le temps d'enfiler un préservatif et s'enfonce en elle sans autre forme de procès. Sa partenaire gémit de consentement. Elle n'attendait que ça. Paul l'étend sur le sol au milieu des corps nus vautrés dans toutes les positions et s'allonge sur elle. Au bout d'un moment, au hasard des caresses échangées avec leurs voisins, il se retrouve avec une autre femme dans les bras sans l'avoir cherchée ni voulu. Les entreintes s'enchaînent comme les valses peu de temps auparavant. Il change de préservatif mécaniquement et pénètre des corps à l'aveuglette. Son sexe est en pilotage automatique. Paul éteint son cerveau, baise ces femmes qui le réclament encore et encore. Ni son esprit, ni son cœur ne participent. Paul se sent en retrait, au-dessus de la mêlée, comme détaché de lui-même. Il ne ressent pas la fièvre du désir. Il n'est pas pris de folie comme les autres et s'ennuie ferme en prenant des culs au hasard. Éreinté, il finit par s'extirper de cet amas de corps enchevêtrés, légèrement incommodé par le mélange des odeurs et le contact des peaux moites. Il se redresse et lève la tête, cherchant à respirer un air pur, non vicié, loin des ébats. Ses yeux s'arrêtent sur une vision de rêve. Une ravissante marquise, penchée au-dessus de la balustrade de la mezzanine, visiblement captivée par les danses. Une marquise d'opérette, la perruque de travers, toujours vêtue de sa robe de bal, mais qui participe à la fête à sa manière, à en juger par les soubresauts de son corps et l'ombre qui s'active derrière elle, à demi cachée par son vaste jupon. Elle non plus ne semble pas à l'écoute de ses sensations. Elle se passionne pour le spectacle, la bouche ronde de surprise, sans se préoccuper de son partenaire. Paul tente d'attirer son attention. Leurs regards se croisent. Ils se sourient, se reconnaissent. Deux êtres à part qui ne participent pas à la fête ou du bout des lèvres. Le sang de Paul ne fait qu'un tour. Il se dépêche d'aller à la rencontre de cette petite marquise avant qu'elle ne s'évanouisse ou ne soit enlevée par un autre. Il grimpe et marche à toute allure et la retrouve en haut de l'escalier. Elle l'attendait. Des hommes se sont lancés à sa poursuite, dont l'un, très énervé, tenant son sexe raide à la main. « Reviens ! Tu ne peux pas t'enfuir comme ça en me laissant dans cet état ! C'est mon tour ! Ça fait longtemps que j'attends !» L'homme allait l'attraper par le bras quand il aperçoit Paul. Il bat aussitôt en retraite, suivi de quelques autres qui faisaient la queue eux aussi. Chloé les ignore. Elle ne leur adresse pas un regard, intriguée par le nouveau venu. « Quel pouvoir possédez-vous pour les faire fuir ? » s'étonne-t-elle. Paul se contente d'écarter les pans de sa veste, dévoilant un fouet accroché à sa ceinture. « Je me suis arrangé pour qu'il le voie. » Seuls les maîtres peuvent se promener avec un fouet, qu'il soit masqué ou non, importe peu finalement. Et puis ce soir, tout le monde est masqué. Quand un maître reconnu comme tel considère une proie, les maîtres de pacotille doivent s'éclipser. Chloé regarde le fouet. C'est un vrai, ça se voit. Elle se souvient des paroles de Pierre. Tous les hommes peuvent entraîner les femmes dans des jeux érotiques ou de soumission, mais elles sont libres d'obéir ou non. Seuls les maîtres validés par le village ont le pouvoir de les contraindre, au moins un instant, et possèdent un véritable fouet d'une longueur respectable. Eux seuls sont susceptibles d'emmener des soumises au collier noir dans les cachots du donjon. Dans les sex-shops, on ne trouve que de pâles jouets d'imitation, des martinets aux douces lanières en daim, des fouets colorés et courts. Celui de cet homme est en cuir noir. Il s'enroule comme un serpent et Chloé est parcourue d'un frisson. Cependant, il se comporte en parfait gentleman. Il ne semble pas avoir l'intention de la fouetter sur le champ. D'ailleurs, son collier rose la protège. Mais encore faut-il qu'il soit visible dans la pénombre. Chloé s'agenouille et rejette ses cheveux derrière ses épaules pour dégager son cou et mettre son collier en évidence. Paul sourit en voyant la jeune marquise porter la main à son cou pour vérifier son collier. Il la rassure. « Je respecterai votre consentement. Faites-moi confiance. Je m'appelle Paul. Je suis maître depuis plusieurs années. Je vous ai aperçu seulement de face tout à l'heure, quand ils sont si nombreux à vous avoir vu de dos. Voulez-vous bien me faire le plaisir de vous relever et de vous retourner ?» Chloé obtempère. Rassurée par la galanterie de Paul, c'est plutôt rare les propos fleuris par ici. Sa robe longue reste sagement en place et dissimule ses formes. Paul écarte les plis de la robe fendue pour admirer ses fesses. Il se perd dans leur contemplation un long moment, une peau si blanche, si douce sous ses doigts, vierge de coups, une chair tendre qui n'a jamais connu la morsure du fouet, Il se sent ému, lui qui n'a vu ces derniers jours que des peaux épaisses, burinées, boursouflées de vilaines cicatrices, insensibles à force d'être rouées de coups au quotidien. Enlevez votre robe. Chloé obéit, déjà sous son emprise. Paul est si différent des autres maîtres. Il n'est pas pressé, il la maintient en haleine. Elle frémit quand il la touche enfin, parcourant son corps de douces caresses très lentes. Paul s'assoit sur une banquette et demande à Chloé de s'allonger à plat ventre sur ses genoux. Il pose à nouveau ses mains sur sa peau et affermit son geste, pétrissant ses jolies fesses de plus belle. Il constate que ses caresses ne sont pas sans effet. Un peu d'humidité apparaît plus bas, brille entre ses cuisses. Curieux, il la redresse et lui ordonne de se mettre à genoux sur la banquette à côté de lui, en lui tournant le dos. Il se penche, goûte du bout de la langue cette liqueur suave qui trempe son sexe. Pour mieux boire cette coupe, il relève ses hanches et les tient fort de ses deux mains. Il glisse sa tête entre ses jambes et aspire les petites lèvres entrouvertes, buvant le jus qui coule maintenant sans retenue. Son goût le rend fou, une saveur iodée et sucrée à la fois. Elle vient pourtant d'être prise à la chaîne par plusieurs hommes. Comment son parfum reste-t-il intact? Mais peut-être l'ont-ils prise autrement? Terriblement excité à la pensée de ses petites fesses blanches, fourrées par des queues impatientes, Paul ne pense plus qu'à rajouter la sienne, mais dans un endroit plus accueillant, ce chaud cocon mouillé de désir. Il descend son pantalon, enfile un préservatif et la pénètre lentement. Ils sont seuls. Il va prendre tout son temps et profiter de chaque seconde. Il s'immobilise, ravi de se sentir si à l'étroit et en même temps bienvenue. Chloé soupire de joie et s'offre à la plus belle queue qu'elle ait rencontrée depuis son arrivée. Son appréhension disparaît complètement. Elle s'abandonne à l'étreinte de Paul. À genoux derrière elle, il se presse contre ses fesses, allant et venant puissamment en elle. Un cercle de voyeurs se forme autour d'eux. Ils se tiennent respectueusement à distance et regardent en se masturbant. Des soumises surgissent d'on ne sait où et se jettent à leurs pieds pour remplacer leurs mains par leur bouche. Une orgie démarre à nouveau, mais cette fois Paul et Chloé n'en sont plus absents ou indifférents. Ils en sont le centre et inspirent les queues qui les entourent et s'activent dans les mains de leurs propriétaires ou les bouches disponibles. Un concert de gémissements se joint aux cris de Chloé. Ses cris fouettent la détermination de Paul, il accélère le rythme. Chloé ne peut s'empêcher de se cabrer sous ses coups de boutoir. Elle n'a pas mal, mais ses sensations ressenties sont inédites. Jamais son sexe n'a été empli de la sorte. Elle se sent envahie, forcée, distendue, à la limite de l'éclatement. Elle est sur le point de se relever et demander grâce, mais le désir la cloue sur cette banquette. Elle réussit enfin à lâcher prise. Des flots de cyprine ruissellent le long des parois de son vagin. Paul la pénètre pleinement. Son sexe glisse et coulisse avec aisance. Ils ne font plus qu'un, se mouvant avec harmonie. L'un des voyeurs se penche vers sa partenaire, concentré sur les allées et venues de sa bouche. Il saisit sa nuque, la force à le regarder. « Je veux te baiser à présent. » Docile, la jeune fille recule, se retourne et offre ses fesses à l'image de Chloé. L'homme la pénètre avec un cri sauvage. D'autres hommes se montrent plus prévenants. Ils aident leur soumise à s'allonger sur le dos, ouvrent leurs jambes et la prennent ainsi, en pressant leurs seins de leurs mains crispées par le plaisir. Peu à peu, les fellations laissent la place à d'intenses ébats. Paul ne voit rien. Ils sont seuls au monde, lui et cette merveilleuse jeune fille. Il la sent naïve, curieuse, innocente encore et déjà très délurée. Ce mélange d'ingénuité et de perversité le rend fou. Une débutante qui a le libertinage dans le sang et du goût pour la soumission, on dirait. Il aimerait l'initier, la façonner selon son bon vouloir, lui faire découvrir d'autres plaisirs. Il se sait excellent maître s'il est inspiré, et cette petite marquise est en train de jouer les muses. Elle réveille son envie de dominer. Il se plante profondément en elle et la pilonne de plus belle, cherchant ses limites dans un corps à corps de plus en plus vigoureux. Ses cris d'excitation mêlés de peur lui semblent extrêmement prometteurs. Chloé proteste faiblement. Elle ne veut plus qu'il la prenne si fort. Il commence à lui faire mal. Paul devine qu'il va trop vite et ralentit. Il est temps de lui faire plaisir ou il risque de la perdre. Il jouira plus tard. Il ne veut penser qu'à elle pour l'instant. Il la retourne doucement, prenant garde à ce qu'elle ne bascule pas de la banquette. Il positionne le haut de son pénis sur son clitoris et le frotte délicatement. Il l'effleure plus qu'il ne le caresse. Il se tient prêt à continuer aussi longtemps que nécessaire. Il sent bientôt Chloé au bord de l'orgasme. Ses gémissements s'interrompent. Elle se tend comme un arc avant de crier de jouissance, s'agrippant à lui de toutes ses forces. Elle rit tant elle a joui. C'était si fort. Elle se sent éperdue de reconnaissance. Elle vient de rencontrer le meilleur amant du monde. Elle ne veut plus le quitter. Elle se redresse et flatte le phallus avec gratitude. Il est encore dur. Elle fait mine de l'engloutir dans sa bouche, mais Paul a d'autres projets. Il devine l'élan d'enthousiasme de Chloé et se réjouit. Mais il veut aussi sa dévotion, et pourquoi pas son amour. Un amour pur, fort, qui dépasse tout. Il en rêve depuis longtemps. C'est peut-être possible avec cette jolie débutante. Il s'emballe sûrement, ça paraît fou, une intuition aussi fulgurante, sans doute liée à l'ivresse de l'instant. Il réfléchira plus tard. En tout cas, il ne veut pas d'un amour exclusif qui assèche son désir des autres hommes. Il veut pouvoir la céder, la mettre en scène, l'admirer aux prises avec des étalons. Il doit tout de suite la remettre en piste avant qu'elle ne veuille que lui. Il s'écarte et la pousse vers un homme resté seul, plus laid que les autres peut-être, mais au sourire avenant et plein d'espoir en voyant ce maître lui adresser un signe. Chloé se révolte. Elle ne veut personne d'autre et supplie Paul de renoncer à son projet. Il ne cède pas. Cet homme va la prendre. Il y tient et ne souffre aucune contestation. Il lui intime d'obéir, de le faire pour lui, pour son plaisir. Il veut la voir pénétrer et se repaître de cette vision. Il se caressera en la regardant. Il jouira en même temps que cet inconnu. Ce sera presque comme s'ils faisaient l'amour ensemble, des yeux seulement, leurs esprits connectés. « Je veux que tu me regardes, pendant qu'il te prendra », chuchote Paul à son oreille, tout en insinuant ses doigts dans son sexe humide afin de le préparer. « Tu ne me quitteras pas des yeux, et tu me verras jouir pour toi, grâce à toi. Je veux pouvoir t'offrir à d'autres, et je ne peux offrir que ce qui est à moi. Veux-tu bien être à moi, le temps de la soirée ?» Et peut-être au-delà, le temps de ton séjour. Il a tout juste le temps de terminer sa phrase. Chloé s'accroche à lui de toutes ses forces, fébrile. « Ah oui, je veux être à vous toute la soirée, toutes les vacances. »« Tu en es sûre ? Tu me le promets ?»« Oui, je vous le promets. » »« Alors, je réitère ma demande. En tant que ton maître, je souhaite que cet inconnu te prenne. Es-tu d'accord ?» Chloé s'efforce de respirer plus calmement et accepte. Elle ne lutte plus. Elle laisse le nouveau venu poser ses mains sur elle. Elle ne s'appartient plus. Elle s'offre pour Paul, pour le plaisir de ses yeux. Elle ressent un plaisir trouble de lui offrir ce cadeau inestimable. S'ouvrir pour quelqu'un qui ne lui plaît pas, qui la rebute même légèrement. Chloé serre les dents. Elle se laisse chevaucher, puisant du courage dans la main de Paul qui presse la sienne. Ce vague dégoût se transforme comme par miracle en un désir puissant, attisé par le regard brûlant de son maître. Il ne se quitte plus des yeux. Chloé oublie l'inconnu qui s'active toujours en elle. Il n'est que l'instrument de la séance. Paul se sent ému. Son regard, empli de dévotion, lui broie le cœur. Il reste tout proche d'elle. Il a suivi chaque étape, a vérifié la pose du préservatif, observé le pénis gras se faufiler dans l'intimité de Chloé. Il devine que la jeune fille se retient de repousser l'intrus avant de le tolérer. Paul continue de caresser sa main, la serre, en signe d'encouragement et de soutien. Il se complète à pervertir cette oie blanche, pas si blanche en réalité, puisqu'elle se retrouve dans ce lieu, mais point trop salie, encore fraîche et spontanée. D'ailleurs, il doit prendre en compte son inexpérience. Chloé semble à bout de force et au bord des larmes. Paul n'hésite pas. Il interrompt aussitôt l'épreuve. Elle n'aura duré que quelques instants. C'est déjà bien assez. Il repousse le lourdeau qui râle de devoir se relever. Qu'il s'estime heureux d'avoir fourré sa queue dans une si belle jeune fille et qu'il aille tirer son coup ailleurs maintenant. Les folles de base ne manquent pas. L'homme s'éclipse sans demander son reste et Paul accueille tendrement dans ses bras sa soumise d'un soir. Il remplace aussitôt le membre de son prédécesseur par le sien. Chloé se réjouit de le retrouver. Son sexe le reconnaît, s'adapte, se détend et s'ouvre mieux. Elle s'accoutume à sa taille inédite, en raffole. Il est tout simplement parfait pour elle. Elle ferme les yeux de délice. Ils fusionnent tous les deux et s'évadent dans un monde de plaisir. Paul ne tarde pas à se répandre en elle, tant le souvenir de l'inconnu la possédant le rend fou. Il tient déjà à elle. Il jouit en plissant les yeux, sans émettre le moindre son, sous le regard fixe de Chloé, en train de tomber éperdument amoureuse. Voilà, c'était l'extrait que j'ai choisi de vous lire. Cet extrait est donc tiré du roman de Clarissa Rivière, Le village des soumises, qui est paru aux éditions Tabou dans la collection Les Jardins de Priap. Eh bien, écoutez, si vous voulez en savoir plus sur mon avis sur ce livre, une présentation un peu plus poussée de ce roman et tous les liens qui vous permettent de vous l'offrir, de découvrir le blog de Clarissa Rivière, eh bien rendez-vous sur mon site, bien évidemment. Je vous rappelle l'adresse, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas entendu vous le dire. L'adresse, c'est charlie-liveshow.com ou charlie-tantra.fr. Les deux adresses fonctionnent. Là, vous trouverez aussi, sur l'article qui présente cette lecture érotique, un lien vers mon Patreon. Je vous rappelle que si vous aimez les lectures érotiques de Charlie, si vous voulez soutenir ce podcast qui est totalement autoproduit, vraiment, le meilleur moyen de le faire, c'est de venir me soutenir sur mon Patreon. Je vous donne le lien en direct aussi, patreon.com/charlieliveshow. En plus, il y a des petites nouveautés, j'ai rajouté des petits goodies... Vous irez voir, vous verrez, vous pouvez recevoir des trucs un peu rigolos, des petits stickers, des petites tasses, des trucs un peu marrants. Et sur Patreon, je mets régulièrement des petites exclusivités qui sont réservées qu'à mes Patreons, des notes de lecture, des photos, des petits textes qui sont là pour remercier tous les gens qui me soutiennent sur Patreon. Écoutez, merci à toutes et à tous d'être toujours aussi fidèles aux lectures érotiques. C'est un plaisir de vous retrouver vraiment. Ah, si vous saviez, ça m'avait manqué de pas avoir le temps de lire de littérature érotique et de pas avoir le temps de vous enregistrer des podcasts. J'adore vous faire la lecture, c'est vraiment un bonheur. J'espère que cette lecture vous a donné chaud et vous a donné des idées toutes plus salaces les unes que les autres. Rappelez-vous, soyons salaces, assumons nos vices et puis... soyons libres dans nos imaginaires, parce que si même dans l'imaginaire on s'empêche des trucs, c'est affreux quoi. Et l'érotisme, c'est un support à l'imaginaire absolument sans fin. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour un nouvel extrait du Village des Soumises, et puis à très bientôt pour d'autres lectures érotiques. Ça y est, c'est reparti, les lectures érotiques reprennent avec un rythme beaucoup plus soutenu, donc joie, plaisir, bonheur, je vous retrouve très vite pour une nouvelle lecture érotique. Des bisous les chéris, ciao, ciao, ciao.